Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et aussi à 23h, s'il faut vous le dire deux fois. Cette semaine, Musiques africaines, une histoire parisienne, une série d'Élodie Maillot réalisée par Manouchak Fachaï. Au départ de cette série, il y a des airs qui trottent dans la tête. Wewe dans mon Walkman, Didi à la boum pour fêter le bac, Yaraya à la fin de la fac et Maître Gims à la kermesse de l'école des enfants. Il y a aussi les posters de Grace Jones, Johnny Clegg au top 50 et Touré Kounda à la télé. Et enfin, l'envie de comprendre les mille choses qui conditionnent la possibilité d'un tube africain à Paris. Des gens au lieu, en passant par l'histoire coloniale et les politiques migratoires. Alors pour commencer, les personnages. Un producteur de Yaoundé, une animatrice radio, un ancien rappeur à la SACEM, un producteur de Mo et sa start-up revenue en Afrique, un ex-rappeur devenu pro du marketing, un chanteur entre Paris et les Grands Lacs, un musicien sapé comme jamais, un animateur radio qui lui-même il sait, un ex-livreur de pizza qui fait des tubes, un pionnier à grande voix, un Belge avec accent qui remplit les salles camerounaises et un musicien qui maîtrise l'akora. Ensuite le décor. Le Cameroun, Barbès, des fantasmes tendance djembé, Abidjan, des musiques dématérialisées, l'exil et le retour, Kigali et Château-Rouge, la rumba congolaise, des voyelles disparues, des maisons de disques qui sillonnent YouTube, du flow, du calme, la Guinée, la Tour Eiffel, du business comme tout le monde et la musique comme un réconfort. Aujourd'hui, dernier épisode, on arrive en Russie. Ils sont quatre jeunes en survêtement dans un vestiaire qui dansent et qui chantent. Comme les jeunes de leur génération, ils connaissent par cœur les paroles de NASA qu'on entend. Cette joyeuse scène pourrait être filmée dans un vestiaire à Bondy, à Bray-sur-Marne ou dans le 8e arrondissement de Paris. Mais là, on est en Russie. Et dans ce clip posté sur Instagram par Grisou pour ses followers, les joueurs, ou plutôt les danseurs, s'appellent Vincent, Antoine, Kilian et Benjamin. Et cette année, ils ont rapporté la Coupe du Monde sur les Champs-Élysées. C'est bien joué, j'y vous pompe. Ah, but, c'est rentré. Ouverture du score. Second poteau, Pavard. Leur aventure et leur victoire a donné une nouvelle visibilité aux musiques africaines, celles que la jeunesse écoute désormais dans le monde. Des musiques métissées comme la jeune star de l'équipe Kylian Mbappé, dont la mère est algérienne et le père camerounais. Fais gaffe à ta langue. Y a du Fanta citron frappé, ça frappe à la bouche à la Kylian Mbappé. Cette année, les Bleus ont décliné leurs goûts musicaux dans des clips officiels de la Fédération Française de Football, dans les médias et surtout sur les réseaux sociaux pendant toute la Coupe du Monde. Dans leur vidéoclip, les Bleus invoquaient l'afro-trap et prenaient l'ambiance et la fête avec un nouveau mot à la bouche, enjaillé. Enjaillé vient d'ailleurs d'entrer dans le dictionnaire français. En ouchi, l'argot des bas-quartiers ivoiriens, enjaillé, ça veut dire mettre la joie, faire la fête et surtout être dans le moment présent. Enjaillé, un nouveau mot français qui a déjà conquis la pop et les cours de récré. Des guitares africaines, des beats afro-compressés et un flow rappé entre hip-hop et variété qui mélange des expressions en lingala, en arabe ou en ouchi, celle d'une génération décomplexée qui grandit entre ici et là-bas. Voilà en gros la recette de ces nouvelles musiques africaines qui explosent aujourd'hui à Lagos, à New York, à Kampala, à Johannesburg, mais aussi à Paris et dont les nouvelles stars commencent à infiltrer la pop et la variété chez Florent Pagny ou chez Jane par exemple. Alors que les frontières se ferment et que les sécheresses poussent l'Afrique à s'urbaniser à vitesse grand V, les villes se ressemblent et se connectent. La musique africaine se fait musique urbaine et rapporte gros. L'argent, Pour fabriquer ce documentaire, j'ai rencontré une génération d'artistes et de producteurs qui vivent entre l'Afrique, qu'ils appellent le continent, et l'Occident. Dans leurs allers-retours entre le réel et les imaginaires, entre ici et là-bas, ils inventent un nouveau regard et une nouvelle petite musique dans un pays où les relations de travail se conjuguent en s'appelant « mon frère, ma sœur, papa ou tonton ». Ici, on compose avec WhatsApp, Skype et les réseaux sociaux. On conquiert des parts de marché avec des réseaux de réseaux, des connexions, des amis, des likes, quelques fils suspendus entre deux continents, des ficelles et des élastiques qui font tenir le mastic, cimentent les identités métissées et crèvent surtout le vernis des conventions pour bousculer les codes et les frontières. Comme si le net dessinait une discothèque qui fait danser en temps réel les villes et les quartiers, les capitales et la banlieue. Abidjan, Barbès, Bujumbura, Belleville, Sarcelles, Cotonou, Stalingrad, Douala, Lomé, les Champs-Élysées, de A à Z, avec des nouveaux mots pour dessiner ces mélanges complexes. On entendra afro-diaspora, afro-péen, afro-descendant, afro-optimiste dans la bouche de ces artistes devenus entrepreneurs décomplexés. Ils chantent le bled et le bendo, le pays et le quartier, le passé et le présent, et surtout, ils incarnent leurs rêves entre deux mondes, les mains dans le cambouis du showbiz international et de la terre rouge africaine. Abi Ben, comment tu vas? Ça va? Vous venez d'où, maman? Paris. Paris. Quand la génération start-up s'enjaille. Viens écouter, viens écouter. Ça rentre, mais tu dois faire encore plus. Attends, je fais d'abord ça. Non. Tiens, mais quelle tonalité je vais faire? Non, tu ne peux pas crier. Non. Mon frère, moi je suis pas chanteur, mon frère. Non, je tomberai jamais dans le piège. Boulogne, été 2018, quartier très chic de l'ouest parisien, je retrouve Pete Bacardi, à la fois au micro, en studio et en ligne avec Yaoundé au Cameroun. Si tu ne peux pas envoyer toi, tu dis à quelqu'un de venir avec toi, tu fais l'envoi, non? Jerry, ce que je veux dire, c'est que dans tout Yaoundé... Non mais comment tu dis je sais pas qui? Tu connais un milliard de personnes à Yaoundé. Ok, envoie les 35 000. La veille, il était à Bercy pour fêter les 20 ans du secteur A. Les 180 000 à Ce collectif né dans les années 90, dont le nom rend hommage au surnom de la cité Valérie de Sarcelles. Tu vois, là-bas, tu donnes 540 000 à Avec Doc Gineco, Arsenix, Tommy Bugsy et Passy, le secteur A a vendu plus de 6 millions d'albums, mais il a surtout inspiré une nouvelle façon de produire de la musique en restant indépendant et en contrôlant son business. Oui, j'ai oublié qui? Ok, c'est combien lui? Voilà, tu dis que tu viens de la part de Pete. Excusez-moi. Pas de souci. C'était quoi? C'était le Cameroun? Ouais, c'est le Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, Pete Bacardi dirige une petite PME musicale depuis Yaoundé. Je reste entrepreneur parce que c'est ma nouvelle activité. Parce que à la base, je suis un rappeur, accessoirement producteur. Et chemin faisant, il y a des opportunités qui s'ouvrent. J'ai organisé pas mal de concerts au Cameroun, dont celui de Booba en mai dernier au stade. J'ai fait les concerts de Fally Ipupa, de Mokobé, de Singila, de MHD. Et donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. Depuis 2011, je suis installé au Cameroun. Donc on est en 2018, ça fait 7 ans. Je suis né au Cameroun en 78. Je suis arrivé en France en 82. De 90 à 2002, je ne suis pas retourné au Cameroun. Vivre dans un endroit et y venir pour les vacances, c'est pas la même chose. Donc, je suis confronté aux réalités que je n'avais pas, que je n'avais plus. Il y a 20 ans, si vous m'avez posé la question, est-ce que Pete, vous voyez finir vos jours au Cameroun? Je vous aurais sûrement dit non. J'avais plus ce rapport avec le pays. Et une fois que tu recrées le contact, il y a un truc, c'est instinctif en fait, c'est chez toi. Il y a cette énergie-là. J'avais cette identité camerounaise qui est en moi. Mais c'est vrai que j'étais dans un environnement urbain français, la cité, la banlieue, sans rentrer dans les clichés bien sûr, mais c'était ça mon environnement. On me disait, ouais, je viens de Place des Fêtes, je viens du 19e, je viens de Sarcelles. Je suis congolais, mais je vis à Sarcelles. Aujourd'hui, j'ai dit, je vis au bled. Mon futur projet s'appelle « Produire mon environnement » parce que c'est dingue comment l'environnement dans lequel évolue, ça influe sur ta créativité. Si tu cries à haute voix, ça va, tu vas attraper le gamme. Viens écouter. La fierté du Cameroun. Non. Je tombe jamais dans le piège. Bastonné. Je tombe jamais dans le piège. Non. Je tombe jamais dans le piège. Chaque euro. Barbès, prochain choix. Ça va? Et toi? On se tutoyer ou on doit se tutoyer? Je sais pas, comment ça se passe dans vos émissions? Vous tutoyez tout le monde ou pas? Alors nous, on a tendance à se tutoyer parce que ça rend la conversation plus simple, plus fluide. C'est très difficile d'arriver et de vous voyez un rappeur. Voilà. Enfin, ça leur arrive qu'ils me voient, moi, au moins, qu'ils me disent bonjour madame, je leur dis non, vous pouvez m'appeler Nargès. Ici, on est dans le 20-1, c'est-à-dire le 19e arrondissement de Paris. À deux pas du 104 et de la Cité Rouge, nouvelle pépinière afro-hip-hop de Paris, notre guide s'appelle Nargès Bahar. On l'entend sur le MOVE, la radio jeune de Radio France, et elle a longtemps été directrice de production chez Trace TV, un bouquet de chaînes musicales diffusées en Afrique et en Europe depuis une quinzaine d'années, créé à une époque où la représentation de la musique africaine change. Ouais, il y a eu un déclin en fait de la world music. Peut-être qu'on en avait marre du côté un peu exotique, avec cette vision très fantasmée de ce que devait être la musique africaine, avec des femmes qui portent des pagnes, forcément, des mecs avec des tambours. C'était quand même une vision très ethnocentrée de ce que devait être la musique africaine dans l'imaginaire d'un public en grande majorité blanc. Et c'est vrai que Trace est arrivé avec une autre vision, c'est-à-dire que c'était un peu dans la lignée de ce slogan qui avait fait fureur à l'époque aux États-Unis. Enfin, c'était celui d'une marque de streetwear américain qui était FUBU, donc c'était For Us, By Us, pour nous, par nous. Si je dis ça, c'est dans le sens où Trace, ça a aussi permis à cette musique de traverser des frontières, d'être visible en dehors du pays. Un, deux, on check. Test de micro, un, deux. J'ai beaucoup testé de micro dans ma vie. Dans ma vie d'avant, j'étais rappeur. Donc, en studio et sur scène. Je m'appelle Akotchaye Okio. Bonjour. Avant de retrouver Akotchaye dans les bureaux cossus de la SACEM à Noli, la société qui gère les droits d'auteur, nouvelle manne financière de la musique à l'heure où les ventes de disques s'effondrent, j'avais rencontré Chaye à Cotonou. Sous le nom d'Archange, il rappait dans le groupe Hardies. Ça, c'était il y a 7 ans. À Cotonou, c'est bien de dire je suis rappeur quand tu es devant la chérie que tu as envie de séduire. Quoi. Parce qu'on veut, comme on dit chez vous, pécho de la meuf. Là, on me voit marcher dans les rues de Los Angeles, de New York ou de Paris. Je suis dans l'environnement. Je suis trendy, donc j'ai un jean qui n'est pas vraiment slim, mais qui n'est pas baggy non plus, donc dans les tendances du moment. Et j'ai des chaussures montantes argentées. Je suis comme un oiseau de nuit qu'on voit dans toutes les grandes villes occidentales. Est-ce que vous pouvez vous présenter, dire un petit peu ce que vous faites, vu que vous n'êtes plus tout à fait rappeur? Aujourd'hui, je suis à la SACEM. Je suis chargé de développement Afrique. Pour moi, ce n'est pas un discours que de vouloir faire de mon mieux pour que la situation change. C'est quelque chose qui m'anime véritablement et le combat doit être porté par les créateurs. Voilà, en anglais, on parlerait d'empowerment. Il y a eu des collectes records au niveau mondial de plus de 9 milliards d'euros de droits d'auteur en 2016 qui ont été collectés dans le monde et l'Afrique ne représente que 67 millions d'euros. Et c'est complètement paradoxal quand on sait comment la musique est présente dans le quotidien des Africains, on vit au rythme de la culture. Donc il y a une vraie consommation culturelle en Afrique que les chiffres démentent. Voilà. L'Afrique est la matrice des musiques actuelles internationales. Après, influencer au niveau international ne veut pas automatiquement dire qu'on arrive à capitaliser dessus. Et le vrai problème du continent, c'est comment structurer l'Afrique pour qu'elle devienne une terre viable pour les musiques qui sont diffusées. Aujourd'hui, on va dire que les deux moteurs de l'industrie musicale sont le live et de plus en plus le digital. Live et digital, en français, ça veut dire concert et musique dématérialisée, c'est-à-dire le streaming, le téléchargement et surtout les sonneries de téléphone. Un marché en plein essor en Afrique de l'Ouest où les majors viennent d'ouvrir de nouvelles antennes, notamment à Abidjan. C'est là que Moussa Soumbounou vient de s'installer. Alors, je suis Moussa Soumbounou, directeur adjoint de YouLive, qui est donc le label live d'Universal Music Africa. On bénéficie de l'image de marque du groupe, Universal Music Monde. Donc, on est un peu une nouvelle société, une start-up qui n'a pas trop besoin de se présenter. Donc, c'est des conditions de travail qui sont plutôt confortables. Vous considérez comme une start-up ? On se considère comme une start-up, en tout cas dans la mentalité et dans la façon de faire. Pour moi, en tout cas, qui suis d'origine africaine, qui suis né en France, j'ai fait tout mon parcours scolaire et professionnel en France. Je suis retourné en Afrique il y a 2 ans et demi. C'est une expérience exceptionnelle. C'est aussi parfois des réponses à des questions que je ne savais pas que je me posais. J'ai un peu de mal à parler de moi. Grosso modo, je suis un gamin de Seine-et-Marne, de la Brie, de Meaux plus exactement, qui a grandi en cité, à la Pierre Collinet. Bah, très tôt, je me suis intéressé à la musique, dans un premier temps en tant qu'artiste de rap, et je m'y suis mis à fond. J'ai appris sur le tas. Voilà, et on m'a toujours parlé Soudinké, on m'a toujours parlé Bambara, j'ai toujours entendu du Wolof chez les voisins, j'ai toujours entendu l'arabe maghrébin chez les voisins, j'ai entendu le portugais dans la cité, et du coup le français est un socle commun. Mes parents m'ont toujours dit « t'es chez toi, t'es français, tu vis dans la Brie », et du coup j'ai toujours été dans cette biculturalité. En même temps, je dois le reconnaître un petit peu le cul entre deux chaises, mais on est français et malien à la fois, on n'est pas français et pas malien à la fois en même temps. Du coup, moi je suis rentré en Afrique et pour dire, je me suis pas installé au Mali. Comme ça, je suis allé au Bénin, rien à voir. Et puis voilà, quoi. Moi, je vois l'Afrique comme un grand terrain d'expression, de jeu, de travail, avec des frontières qui sont un peu moins figées que celles qu'on peut connaître en Europe, qui nous permet aujourd'hui à nous de naviguer en Afrique, de reconstruire un certain nombre de choses, de l'industrie musicale et de toutes les industries en Afrique. Et selon vous, Franck Kakou, alors je vous appelle ouais. Franck Kakou ou Black M? Non, Franck c'est très bien. Avant de diriger Universal Africa à Abidjan, Franck Kakou était lui aussi rappeur, sous le nom de Black Kent. Aujourd'hui, son discours mélange conscience afro-optimiste. Donc là, je suis rentré pour accompagner la structuration de l'industrie de la musique sur notre continent. Et concept marketing à l'anglo-saxonne. Les artistes sont un peu plus business savvy. Alors c'est business savvy. Donc ils ont un peu plus de connaissances, même si c'est des connaissances minimes, mais de comment ça fonctionne. Et je pense que avant, en tout cas moi, ma génération, je pense que le shift qu'il y a eu chez les artistes, c'est que le rêve d'exploser, entre guillemets, d'acquérir une certaine notoriété chez les jeunes artistes a été longtemps il faut que je sois connu et que je passe sur les radios à Paris, en France, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus l'objectif en lui-même. Moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire jusqu'à mes 14 ans. Je suis parti ensuite au Kenya. Je suis parti avec ma famille juste à la veille des événements en Côte d'Ivoire, en 99. Et ensuite, j'ai fait Bordeaux, puis Paris. Mais mon lien avec la Côte d'Ivoire a toujours été très très fort et plus encore de l'extérieur. C'est-à-dire qu'à une certaine époque où, pour ceux qui connaissent un peu le rap et l'univers urbain, il y a eu une période où c'était mieux d'être soit du 93, du 19e de Paris, etc. Moi, j'avais un grand drapeau orange blanc vert sur mes t-shirts avec ma casquette. Drapeau de la Côte d'Ivoire. Exactement, un drapeau de la Côte d'Ivoire que je revendiquais à travers mes paroles, à travers mes chansons, à travers un peu de dialecte par moment. Et je pense que ça a eu un impact. Il y a eu une prise de conscience des richesses qu'on peut avoir chez nous. Je pense que le terme décomplexé est vraiment juste. Pour le coup, Internet a sûrement aidé à décomplexer cette jeunesse issue de la diaspora qui se dit si on rêve musique, on n'est pas obligé de rêver États-Unis, Amérique, en tout cas musique urbaine. peut se retourner chez nous et voir qu'il y a des sonorités, il y a des choses qui sont différentes, qui sortent du lot, une attitude, des pas de danse, des termes qui viennent de chez nous, à nous, propres à nous, et dont on est fier. Mon arrivée en France, il y a bien longtemps. Depuis que je crois plus en l'ONU, depuis que je crois plus en l'OTAN. Maintenant j'ai 20 ans et quelques poussières, et je repense à l'Afrique où nous étions encore hier. On a grandi là-bas, au bord du lac Tanganyika, et moi je supporte ici. Tant que là-bas il y aura mes gars, hey, Gino Mucho, Iris, Fabrice et les autres. Des potes comme vous, je vous assure, j'en ai pas retrouvé d'autres. Et puis il y a eu Paris, maintenant je l'appelle Paname. La pollution, les épiciers berbères et leurs mauvaises bananes. Ici c'est Grec McDo, la pluie, le froid, les flaques d'eau. Métro, boulot, dodo, la place Vendôme et les clodos. Mais je m'habitue, j'ai mes baskets. Mais comme je veux faire fortune, tous les mois d'août je me fais des thunes, je suis solitaire. Et des fois je sors la plume, je suis pas rappeur, juste un fier volteur de mon plein d'amertume. Ngoya, tangwe kokio, ho, tokanisama et makoya lobi. Allo, allo, bonjour, ici Gaël Faye, bienvenue. Ngoya, tangwe kokio. Il m'obsède ce retour. Pas un jour sans que le pays ne se rappelle à moi. Un bruit furtif, une odeur diffuse, une lumière d'après-midi, un geste, un silence parfois, suffisent à réveiller le souvenir de l'enfance. Tu n'y trouveras rien, à part des fantômes et un tas de ruines, ne cesse de me répéter Anna, qui ne veut plus jamais entendre parler de ce pays mouillé. Je l'écoute, je la crois. Elle a toujours été plus lucide que moi. Alors je chasse cette idée de ma tête. Je décide une bonne fois pour toutes que je n'y retournerai plus. Ma vie est ici, en France. Aujourd'hui, où est-ce que vous vivez, Gaël Faye ? Je vis entre ces deux rives, entre la région des Grands Lacs et puis Paris. C'est quelque chose que je rêve depuis longtemps, depuis les trois dernières années. C'est concret. Ça rend concret aussi mon métissage. Disons que pendant des années, en étant en France, j'avais l'impression d'être un exilé. Enfin, c'est ce que j'étais au départ, parce qu'on a quand même, avec ma famille, fui le Burundi suite à la guerre. Et puis le Rwanda, c'était un pays que je ne connaissais pas, si ce n'est pendant les grandes vacances où j'allais rendre visite à la famille qui s'est réinstallée là-bas après le génocide. Et c'est un pays que je fantasmais énormément, avec ses bons et ses mauvais côtés. Et d'y vivre, ça m'a permis de m'ancrer dans ce que j'appelle le pays réel, c'est-à-dire débarrasser de ses clichés, le pays dans son quotidien, parfois même dans sa monotonie. Et c'est vrai que je me sens beaucoup... Enfin, je me sens apaisé dans cette possibilité d'habiter dans toutes ces régions en même temps qui sont en moi. Je sais pas, c'est comme si d'être exilé une fois, ça exile pour toujours. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. La musique, ça ne peut pas se limiter à soit on est dans le mimétisme de ce qu'il fait à l'étranger, soit on est dans la musique folklorique ou traditionnelle. Il y a aussi, pour moi, une envie de mélanger tout ça, parce que ça ressemble aussi à la société d'aujourd'hui. C'est vraiment l'histoire de la mondialisation. Voilà, parce que c'est ça aussi. Aujourd'hui, la plus grande différence, ça se fait pas entre l'Afrique et l'Occident, c'est plutôt entre les villes et les campagnes africaines. C'est là que les mondes sont séparés, sont lointains. On est, je sais pas, aujourd'hui, là, à Kigali, les jeunes sont connectés. Mais par contre, on va à 30 km de Kigali dans la campagne. Mais oui, là, il n'y a pas d'électricité. Dans certains coins, il y a les gens cultivent encore la terre comme à la houe. comme il y a 50 ans. Et donc être un jeune des villes et être un jeune de la campagne, c'est là où se trouve la grande séparation. Et c'est ça aussi que j'ai envie de raconter, que ce soit par la musique ou par des textes. Fils de la cale, je rêvais de cockpit. On m'a menti, la tour Eiffel est petite. Afro-esquimau, plus rien ne me déçoit. Promesse à l'aube, devient message du soir. Hiver indien m'a casé sur la banquise. Je t'en fiche, ne prends pas mes valises. L'exil, un cul-de-sac, une arcade. Je cherche pour m'évader, pour passer. Où sont Paris, les Champs-Élysées. Où sont les Champs-Élysées. On est autant des enfants d'ici que des enfants de là-bas. Notre musique, elle nous permet d'être cette passerelle-là. Permet d'être le lieu de la synthèse de nos identités éparses. En plus, moi, je peux pas dire l'inverse. J'en suis le fruit en chair et en os. Mon père était un beatnik qui passait en vélo par là et à Bujumbura, qui a rencontré une réfugiée rwandaise et je suis là. Donc, et pourtant, je me sens pleinement burundais, tout comme je me sens pleinement rwandais et pleinement français. Et donc je suis pur. Voilà. On peut avoir des apports du monde entier et être complètement ancré aussi dans un lieu, dans une culture, dans le prolongement d'une histoire. Et si tu prends le bus Vénus pour Bujumbura, fais gaffe à toi, aux embuscades à Bugarama. Embrasse papa qui est resté au pays. Dis-lui qu'en France je ne grandis plus. Dis-lui que je vieillis. Est-ce que vous diriez, Gaël Fay, que vous faites de la musique africaine ? Oui, je fais de la musique africaine. Je fais de la musique française aussi. Je dirais que je fais une musique créole. Je fais une musique qui me ressemble. Mais il y a beaucoup d'ingrédients africains. Il y a beaucoup de pili-pili. Les Français d'origine africaine assument beaucoup plus leur musique et montrent encore plus qu'ils aiment la musique africaine et même leur pays. Mais pourquoi ça arrive aujourd'hui, à votre avis, Soprano ? Ça arrive aujourd'hui parce qu'en fait, la musique... Après, c'est beaucoup dans le rap, mais le rap évolue tout le temps, change tout le temps, bouge. On a une période, c'était beaucoup raï. Il y avait le côté R&B qui était là. On le sentait dans la musique de tous les artistes urbains. Là, il y a le côté afro. C'est un truc qui tourne. Mais ce qui est magnifique avec la musique africaine, pourquoi ça tient et pourquoi même les Américains sont dans ce délire-là, c'est parce qu'on sent la joie africaine dans la musique africaine. Voilà. Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a de moins en moins de différences, ou en tout cas il y a de plus en plus de valeurs communes entre Abidjan et Paris, par exemple ? Mais bien sûr. Le fait qu'à Marseille, par exemple, mais même à Paris aussi, le fait qu'on sente le côté cosmopolite. Moi, par exemple, j'ai fait un album qui s'appelle Cosmopolitanie. C'est par rapport à ça, c'est le côté mélange. Et moi, j'ai grandi avec tous ces mélanges. Accepté dans les quartiers, on écoutait tous Papa Wemba, on écoutait Chicken, mais à l'époque c'était peut-être un peu différent parce que c'était des artistes africains qui pouvaient faire de la musique africaine. Aujourd'hui, les artistes d'origine africaine font de la musique africaine aussi. C'est super cool et en plus, ce qui est bien aussi dans l'urbain, c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus de frontières entre ce qui est rap, ce qui est R&B, ce qui est afro. Tout ça, c'est ou même comme ce que je fais un peu moi maintenant avec un peu de la pop, un peu variété, c'est que tout ça, c'est devenu une attitude. Et la musique africaine colle parfaitement ça. Attitude, le fait, si par exemple, tu vois un artiste, il est sapé comme jamais, pour la culture française, on dirait il se la pète. Culture africaine, on dirait à lui, il sait s'habiller, il sait profiter de la vie, il sait kiffer, il sait en s'enjailler. Tu vois, et ça, c'est un truc que peut-être qu'on trouve beaucoup dans le rap. Donc, c'est beaucoup collé aussi avec la foi. J'ai pu baigner dans la musique assez tôt, donc je pense que ça m'a... j'ai gagné beaucoup de temps. Maître Gims, interviewé pour la première fois sur France Inter en mars 2018. Un titre comme Sapé comme jamais est inspiré purement de la, voilà, de la rumba congolaise. Donc j'ai pu mélanger ce style-là, justement, et le ramener dans l'urbain et en faire quelque chose d'autre. Je le réalise peu à peu. Je suis porte-parole de toute une génération, je pense. Sapé comme jamais, Sapé comme jamais, Loulou et Bouddha, Coco la Chanel. Sapé comme jamais, Sapé comme jamais. Comment vous expliquez le succès de Sapé comme jamais, par exemple, de Coutinho? C'est une interview. C'est vrai que Sapé comme jamais est la preuve qu'aujourd'hui, la France est vraiment métissée, est imprégnée d'africanité. Les Africains, on dit, les Africains, ils sont toujours classe, ils font toujours attention à leur mise, etc. Ça évoque aussi la fête, ça évoque une occasion exceptionnelle pour laquelle chacun se met sur son 31. Voilà, donc, le phénomène des sapeurs en Afrique est extrêmement vendeur, en fait, à l'international, parce que c'est une exubérance, c'est aussi une quête de l'excellence, quelque part, qui est propre à l'Afrique. C'est un gros hit, ça correspond à une France métissée, quoi. C'est ça, moi, je pense que c'est surtout ça, c'est que ça, c'est la preuve que la France est bien plus métissée que certains ne voudraient le penser. Et ça se voit dans la rue, de toute façon, que la France est métissée. Voilà, les gens aiment manger le couscous, bah, ils aiment écouter Sapé comme jamais aussi, voilà, un peu de la musique avec des influences africaines. Pour moi, c'est en droite ligne de Sapé comme jamais, MHD. Sa musique est urbaine, sa stratégie est essentiellement digitale. Et ses racines africaines ressortent et ça marche. C'est la Champions League, 7-5, c'est la Champions League, 9-1, c'est la Champions League. Yeah, c'est MHD en compagnie de Claudie sur Couleur Tropique. MHD, trois lettres qui gomment les voyelles du prénom de ce jeune artiste du 19e arrondissement. MHD, donc pour Mohamed, ou l'histoire d'un succès planétaire arrivé par hasard sur Internet à un livreur de pizza anonyme. Un jour, MHD se filme devant sa cité en train de rapper sur un tube d'un groupe ghanéen. Mohamed poste la vidéo sur son Facebook, elle devient virale et des millions de vues plus tard, MHD chuchote déjà à l'oreille de Drake et de Madonna. Qu'est-ce qui a changé par rapport à quand moi j'ai commencé? Internet. Angélique Kidjo. Internet a permis à MHD d'être en position de force. Parce que quand il a mis sa musique sur Internet, il avait déjà plein de vues. Il avait déjà un succès avant que n'importe quelle maison de disque le signe. Donc il est en position de force. Moi, quand j'ai commencé, Youssou, Salif et moi, mais non, c'est les maquettes qu'on faisait. Il fallait faire les maquettes, passer par les maisons de disques. Là, c'est les maisons de disques qui viennent te voir. Parce qu'ils veulent ce public-là avec eux pour faire de l'argent, bien sûr. Donc, Internet a permis, pas seulement à MHT et autres, mais aussi aux jeunes artistes en Afrique aujourd'hui d'avoir une carrière, d'exister sur la toile. Avant, tu avais besoin d'une maison de disques pour avoir une vidéo. Tu avais besoin d'une maison de disques pour faire un single. Aujourd'hui, tu n'as besoin de personne. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est sur Internet est de bonne qualité, mais ça permet aux artistes d'être indépendants. Après, comment on capitalise sur ça dans le monde entier, c'est autre chose. C'est pour ça que je dis toujours aux jeunes artistes, quand ils viennent me voir, je leur dis toujours, faites des études. Pour savoir, il faut que vous soyez aussi des entrepreneurs. Il faut avoir une idée de ce qu'on veut, de qui on est, et être en contrôle de ça. Et c'est du boulot, matin, midi et soir. Et si vous n'êtes pas prêt à le faire, vous allez disparaître. C'est tout. promis un fils et j'ai menti. J'ai dit que t'étais bon mais t'es pourri. Frérot, t'as même pas les 300 vues sur YouTube. Même si tu fais ton fuite avec Jesse. Il fait partie d'une petite vidéo pour mes 30 abus sur Facebook. Là, les partages ont poussé, c'est parti à 1000 personnes, 2000, 3000. Attends, voilà. attends. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu autant de vues, tu n'aurais pas continué? Non, moi j'étais livreur de pizza. Est-ce que t'as arrêté de livrer des pizzas? Ah, bien sûr. T'as arrêté. Je vais avouer quelque chose. Parfois, je me sens un peu. Je me dis, mince, peut-être que je suis plus dans mon époque et que voilà, et qu'il faut que je tourne la page, et qu'il faut que je laisse le micro à un autre. Claudie, attention. Vous écoutez RFI, la radio du monde. Claudie Siard, alias Tonton Claudie, figure radiophonique qui invente chaque soir sur RFI, Radio France Internationale, une version tropicale en couleur et consciente du do it yourself. Déchiré. Toi-même, tu. Et puis, il y a des MHD, il y a des Sifours, il y a des gens comme ça, il y a des ténors, et je me dis, waouh! Non, c'est bon, tu es toujours dans le coup. Et MHD, c'est vraiment un chroniqueur de son temps, c'est un vrai griot de son temps. Comment vivent les jeunes comme lui, quoi, qui ont une vingtaine d'années? Pourquoi tout le monde se reconnaît en MHD, en Afrique comme en France? Parce qu'il y a de la vérité, de la sincérité, il parle comme un jeune de sa génération et il ne cherche pas à être autre chose. Voilà. C'est un garçon bien en plus. Ce qui n'enlève rien. Claudie, on parlait des gens qui sont nés ici, qui ont des origines africaines, qui font plutôt de la musique urbaine. Est-ce qu'ils racontent une autre Afrique? Est-ce qu'ils racontent une autre histoire de l'Afrique et de la France? Dans l'afro-trap, par exemple. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les artistes, par exemple, de la scène afro-trap ou même hip-hop, qui s'appuient sur des musiques africaines, les musiques souvent de leurs parents ou de leurs grands frères ou de leurs grandes sœurs, je pense qu'il y a un besoin chez eux d'affirmer leur africanité. Je pense que ces musiques-là affirment plus une identité, une part de leur identité blessée, qu'une nouvelle Afrique. Et comme ils ont du succès, donc ça fait tache d'huile. Et bon nombre d'artistes aussi sur le continent... Eh bien, se disent, ben voilà, c'est dans ce tempo-là que nous devons être désormais. Et je crois que c'est ça. Je crois qu'on est là encore à une période où, face aux discriminations subies par cette jeunesse-là, ils ont besoin de retrouver leur africanité. Ils ont besoin de l'affirmer. Et puis, c'est une jeunesse aussi qui bouge, qui voyage. Leurs grands frères n'avaient probablement pas la possibilité de voyager comme eux peuvent le faire aujourd'hui. C'est plus simple d'aller dans le pays d'origine. Alors, voilà, ça nourrit. Et dans la France de Marine Le Pen et de Nadine Morano, bah, c'est bien d'Afrique d'affirmer qui l'on est. Et je crois que très clairement, c'est ce qu'ils font, mais je crois de façon très inconsciente d'ailleurs. Hein. Et pour eux, pour avoir discuté avec certains, c'est la nouvelle variété africaine. Quoi. Avant de me lancer dans l'album, voilà, je tenais beaucoup à représenter l'Afrique. Parce que voilà, je trouvais que dans le rap français, voilà, il manquait un peu de ça. Je trouvais que ça représentait un peu trop les États-Unis, la France, mais pas trop l'Afrique. Donc du coup, voilà, pour moi, mon premier album, je l'ai bien le consacré à l'Afrique. C'est pour ça que dans mon album, bah, j'ai ramené deux featuring. Bah, deux featuring, c'est deux artistes africains. Voilà, je voulais vraiment mettre... Angélique Kidjo et Fally Ipupa. Angélique Kidjo et Fally Ipupa. J'aime bien son... Comment on dit ça en français? Le flow. Ouais, j'aime beaucoup son flow. J'aime beaucoup ce calme qu'il y a dans sa voix, c'est-à-dire cette confiance quand il parle. Et la langue française, il est né dedans. Lui, il est africain, mais il est né ici. Donc, sa façon de parler, le thème de sa voix, le timbre de chaque mot, comment il le place et comment il dit les choses. Moi, je ne suis pas spécialement fan du rap violent. Et dans son rap, il disait des choses importantes, puissantes, sans aller dans le manque de respect total pour choquer. Et c'est ça qui m'a intéressé dans son approche, et dans ce qu'il fait d'ailleurs. Et aussi le fait qu'il a compris, en tant que jeune musicien en France, que les gens comme Salif, Youssou et moi, nous l'avons nourri musicalement. Et il a été suffisamment intelligent de reconnaître que travailler avec nous donnerait plus de crédibilité parce que c'est de là d'où sa musique vient. On est soudés, faut pas chez là, prends du recul, tout va trop vite, les plus sur terre, le succès s'accumule. Il était fan. Mais il était fan et il était intelligent aussi. Parce qu'il y a plein de jeunes qui sont fans mais qui ne penseront jamais. Ils penseront aller faire des trucs avec 50 Cent ou je sais pas quoi. Il n'était pas dans la gloriole, lui. Il était dans l'authenticité du travail qu'il a commencé à faire et il voulait le garder. Et ce qui est très bien pour un jeune homme comme ça, de réfléchir comme ça, moi je dis chapeau. Je pense que plus que de parler de l'Afrique, il parle de sa perception en tant que jeune. Il ne vous raconte pas comment ça se passe au pays, mais il vous raconte ce que c'est que d'avoir grandi dans le 19e arrondissement, d'être originaire de Guinée. Et comme il le dit sur son titre avec Narges Bar, Black M, parfois c'est « Je suis à l'Ouest », mais quel Ouest ? L'Afrique de l'Ouest. C'est plus ça en fait que ça raconte la musique de MHD aujourd'hui. Peut-être cette, le fait d'avoir été entre deux cultures, en fait. Être noir, africain, né en France, en Vendée. Donc c'est un puzzle qui s'assemble. Et en même temps, cet Ouest, il est pas mal parce que quand on dit « je suis à l'Ouest », c'est aussi « mon cœur est à l'Ouest ». Mais quel Ouest ? L'Afrique de l'Ouest, là d'où il vient. À l'Ouest, ça veut dire quoi ? Être à l'Ouest, à la base, c'est être pas au bon endroit, quoi. Je suis à l'Ouest. Ouais, c'est... on n'est pas dedans, quoi. La magie après du rap, c'est que ça laisse à l'auditeur, mais comme toutes les musiques d'ailleurs, le choix de trouver ses propres interprétations. Et peut-être que moi, en tant qu'enfant d'immigré, j'ai envie de me dire que dire je suis à l'Ouest, c'est dire moi, mon cœur est là-bas, même si je suis ici. Et même si j'aime la France aussi. Ne m'en voulez pas parce que je suis à l'Ouest. Là, on commence à rentrer dans les 3e voire 4e générations d'enfants d'Africains, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que le fait aujourd'hui d'être installé sur ce territoire qui est aussi notre pays depuis si longtemps, ça ne nous donne pas peut-être à des endroits plus la possibilité de dire plus librement que nos parents qu'on est fiers d'être Africains ? À l'époque de mon père, il y avait certains cafés où il ne pouvait pas rentrer parce qu'on l'appelait Bougnoul. On ne voulait pas servir de café au Bougnoul. Aujourd'hui, ce genre de choses, c'est impensable. Donc à l'époque de mes parents, on se faisait tout petit et on disait le moins possible qu'on était d'origine marocaine, africaine. Je crois que notre génération, la génération qui suit, a appris à pouvoir dire assez... peut-être plus librement et ouvertement qu'elle était aussi fière d'avoir cette double culture et qu'elle avait peut-être moins peur de, voilà, de se taire à ce sujet parce que finalement ça fait partie de nous et c'est ce qui fait la richesse de la France. Voilà, ça y est, l'Afrique maintenant, l'Afrique musicale, c'est ça. Ce qui, moi, me gêne. Alors peut-être que je vais passer pour un vieux con et un réac. Ce qui me gêne parce que je sais ce qu'il y a de sous-jacent. Par exemple, très clairement, il y a le côté business chez certains. On fait ce qui plaît à l'industrie et ce qui semble plaire, que ce soit en termes de... Moi, je ne suis pas contre la vulgarité dans un texte. Tout dépend de ce qui est dit avant et après. Tout dépend comment tout le reste de la chanson est réalisé. C'est vraiment ça, moi. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est juste dans la vulgarité parce que ça, on peut faire le buzz avec ça. Oh, t'as entendu le dernier truc ? Oh, on écoute. Merde. Ce soir, ça sent le dégât, putain de merde. Ce soir, y a pas débat, putain de merde. Ce soir, ça sent le dégât, putain de merde. Aujourd'hui, les jeunes ont véritablement cassé les barrières. Et parce qu'aujourd'hui, en Afrique, les gens passent tout le temps sur les réseaux sociaux. Bon, la compensation pour ne pas avoir du boulot, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Mais en même temps aussi, il faut dire qu'à côté de son contexte qui lui offre beaucoup de temps, c'est un véritable outil pour ouvrir l'esprit. Maurice Touré, acteur culturel multicarte, grand frère et artiste radiophonique qui slalome et rayonne entre l'Afrique de l'Ouest et la France, entre Bamako et Abidjan pour Radio Africa. Et de plus en plus, la jeunesse africaine, les gens, ils s'écoutent. Ils s'écoutent. Il y a quelques années, moi j'ai la quarantaine dépassée. Nous, on était idoles, on idolâtrait les artistes américains. Mais aujourd'hui, tu as un jeune africain de 18 ans, il faut vraiment pousser trop loin pour qu'il écoute un artiste de l'extérieur. Ils écoutent la musique africaine à longueur de journée. Pas forcément de chez eux, mais du voisin, de l'autre côté, ils écoutent toute la musique africaine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup changé sur le sillage des mélomanes africains. Et ça, c'est des bonnes guerres pour le continent africain. La France dans tout ça. Bon, jusqu'à aujourd'hui, on a encore des automatismes françaises. En éducation, on a encore nos programmes qui sont copiés avec la France. On ne peut pas se dire, l'Afrique francophone et la France, on est un cordon. Dans les années 1960, les étudiants, les jeunes s'identifient à la variété française. Moi, je connais encore des grandes sœurs de 50, 60 ans. Et quand il a dit qui, on te dit Mike Brandt, Dieu Darcin. Tu sais, on a flirté avec ses chansons, avec Edith Piaf. De moins en moins, cette variété française qu'on avait dans le temps, une vraie variété française, les jeunes ne l'écoutent plus, en toute sincérité. Et s'il y a une musique française aujourd'hui qui traverse un peu l'Atlantique et les frontières, c'est cette musique française faite par la diaspora africaine. Matt James, MHD, Black M, c'est la musique faite par des jeunes français d'origine africaine. Donc eux, ils sont beaucoup prisés d'Adjou, d'Amso, c'est des gens qui sont beaucoup prisés sur le continent. Et ce qui fait même que ces jeunes-là, dès qu'ils sortent un album en France, à côté de leurs quelques tournées en Europe, ils sont sur le continent. C'est des gens qui font souvent des grosses tournées en Afrique, comme le retour de l'enfant prodige. Stromae, c'est Stromae. C'est difficile à qualifier. Il est un peu à part. Il a carrément créé quelque chose, un métissage, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais un métissage musical entre l'électro, la variété française, son phrasé un peu belge, à la brêle, et des sonorités afro. Et ça a beaucoup marqué l'Afrique, la tournée de Stromae, parce que déjà, c'était plein partout. Il a fait la blague, c'est-à-dire que ça a marché, quoi. Il l'a tenté, ça a cartonné, il a rempli au Cameroun, il a rempli dans énormément de capitales africaines, et il l'a fait de façon remarquable. Il a mis la barre très haut, il a mis la barre très haut. C'est une victoire pour l'Afrique, c'est une victoire culturelle pour le monde, et du coup, oui, en ce sens-là, c'est un exemple extraordinaire. Est-ce qu'il y a un avant, un après Stromae? Oui, je pense quand même qu'il y a un avant, un après. Il a organisé une grosse tournée en Afrique. Moi, j'étais au dernier concert, d'ailleurs, à Kigali. C'était vraiment extraordinaire. Et ce que j'ai trouvé, d'ailleurs, très intéressant, c'est de proposer au public africain, africain au pluriel, le même concert qu'il proposait en Europe, en Amérique. C'est de pas venir faire les choses au rabais parce que on est sur le continent où effectivement c'est plus difficile de monter un concert, d'avoir des financements, etc. Enfin, moi je l'ai vu au Rwanda parce que j'ai suivi la mise en place du concert. Il fallait faire venir du matériel du Kenya, de la lumière d'Ouganda. Il fallait créer les infrastructures pour pouvoir accueillir un concert de cette ambition-là. Et donc, j'ai trouvé que de la part de Stromae, c'était un acte politique engagé très fort. Au Rwanda, il y avait une charge émotionnelle qui était encore plus grande, étant donné que Stromae a des origines rwandaises aussi. Je ne l'aurais jamais fait, mais je crois que c'est l'heure, l'endroit. Pour la première fois. fois, j'aimerais faire une grosse dédicace à mon papa. Merci, papa. C'était l'enfant du pays qui revenait, qui venait. Et ça porte aussi hein, pour toute une génération, quand on est dans un petit pays enclavé, de se dire qu'il y a des gens du cru qui rayonnent dans le monde entier, ça porte énormément. En plus avec des valeurs qui sont des valeurs positives. Ali à Kitao au Burkina, bonne arrivée. Thomas à Yaoundé, bonne arrivée. Est-ce que vous entendez bien la radio dans votre téléphone, Samadou? Oui. Toujours à Yaoundé, Derek, bonne arrivée. C'est sur l'autre ligne. La génération consciente, car vous le savez, vous êtes tous. Thomas, te souviens-tu l'époque où Yannick Noah donc gagnait des matchs? On disait le français Yannick Noah a gagné, et lorsqu'il perdait, on disait justement. Le français d'origine camerounaise Yannick Noah. Comme Booba, Nesca et beaucoup d'autres chanteurs francophones aux racines métissées, Black M compte sur ce nouveau marché africain, sur les millions de likes et de vues de fans en Afrique pour rivaliser avec ses concurrents américains et ainsi agrandir son territoire désormais virtuel. Une des clés, chanter en duo avec des stars du continent comme Sidiki Diabaté, griot malien 2.0, qui l'accompagne sur ce titre, Mama, sorti avant l'été 2018. Je crois que c'est à mon tour de la bercer. Y'a que pour elle que mon cœur ne s'est pas endurci. L'histoire, si je pouvais, je l'aurais inversé. Je suis personne, elle a fait de moi quelqu'un. Ah non, moussi, néné, non, pouti. Wale, gagne, Black M est un Africain. Black M est quelqu'un qui est fier d'être peuple. Il l'a jamais caché. Pour que tu sois fier de ton fils. Fait de dire que cette douceur est en moi, est en nous, nous les jeunes Africains. Tu es d'accord avec moi? C'est pour ça, si vous remarquez, au jour d'aujourd'hui, presque la musique est en train de se transformer. Tout le monde veut cette touche africaine. Pourquoi? Parce que cette douceur touche à tout le monde. Beyoncé, elle chante hyper bien. Le jour où elle va chanter sur la Kora, elle saura qu'il y a quelque chose qui va changer dans sa vie, musicalement parlant. Black M, c'est un Guinéen. Il m'a pas dit, mais ce que je ressens en lui, c'est l'amour de son pays. C'est l'amour de quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Lui, il maîtrise les kicks. Mais le griotisme, il ne maîtrise pas. La Kora, il ne maîtrise pas. Mais ça lui touche quand il entend. Il adore ça. Il vient de ça. C'est un réconfort. Lui, il a son style. Il a tout ce qu'il faut en Europe. Mais quand il lui donne un baptême à gérer ici, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il peut faire 1000 fois Bercy. En Afrique, on s'en fout que tu fasses Bercy. Moi, je fais Bercy. On a fait 2 fois Bercy avec Mathieu M. Rempli, sold out. J'ai fait avec Booba. Je l'ai fait avec plein d'autres. Mais en Afrique, on s'en fout de ça. On est fier de toi en Afrique quand tu es fier de toi-même. Vous voyez? Puis un grand merci à vous public, merci d'être resté si longtemps. Elle m'a prêté sous l'eau de ma mère, jolie merci à ma mère, avec beaucoup de respect. Je ne refuse rien, ma mère, ma mère, ma mère, ma mère. et la voix de la nouvelle Beyoncé africaine, la Nigériane Yemi Alade, très francophile, qui a pour projet de quitter Lagos pour venir s'installer à Paris. Yeah, that was all in school. Come from Nigeria, pour vous, Yemi Alade. Les enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. C'était quand la génération start-up s'enjaille, avec Pete Bacardi, Gaël Faye, Narges Bahar, Moussa Soumbouno, Franck Kakou, Maury Touré, Angélique Kidjo, Claudicia, Akochaye Okyo, Sidiki Diabaté, Yemi Alade, Archivina Christelle Rousseau et Marie Chevaux, recherche bibliographique Annie Signoret. Merci au FEMUA 2012, à Fred Miguel, à Nina Pareja, à Marine Laurent, prise de son Claude Niort, mixage Manu Couturier. C'était une émission d'Élodie Maillot, réalisée par Manouchak Fachey. Musicien, danseur, producteur, chanteur ou fan, LSD, la série documentaire, c'est terminé pour cette semaine. Et si vous voulez vous saper comme jamais, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster à Abidjan ou nous réécouter chez le producteur, eh bien tout ça, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Et les belles pages, c'est grâce à Marie-Vonne Abolivier, Mathias Méji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD La Série Documentaire. Et la semaine prochaine, eh bien la semaine prochaine, nous irons voir comment se vit la pauvreté en France aujourd'hui. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage, et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, une histoire particulière et une vie, une œuvre.